À 1 heure du matin, Hortense avait atteint un tel degré d'angoisse qu'elle se précipita vers la porte en reconnaissant Venceslas à sa manière de sonner. Elle le prit dans ses bras en l'y serrant maternellement. « Enfin, te voilà » dit-elle en recouvrant l'usage de la parole. « Mon ami, désormais j'irai partout où tu iras, car je ne veux pas éprouver une seconde fois la torture d'une pareille attente. Je t'ai vu heurtant contre un trottoir et la tête fracassée, tué par des voleurs. Non, une autre fois, je sens que je deviendrai folle. Tu t'es donc bien amusé, sans moi, vilain. Que veux-tu, mon petit bon ange? Il y avait la Bixiou qui nous a fait de nouvelles charges, Léon de Laura dont l'esprit n'a pas tari, Claude Vignon à qui je dois le seul article consolant qu'on ait écrit sur le monument du maréchal Montcornet. Il y avait... Il n'y avait pas de femme? Demanda vivement Hortense. La respectable Madame Florent? Tu m'avais dit que c'était au rocher de Cancale. C'était donc chez eux? Oui, chez eux, je me suis trompée. Tu n'es pas venue en voiture? Non. Et tu arrives à pied de la rue des Tournelles? Stillman et Bixiou m'ont reconduit par les boulevards jusqu'à la Madeleine, tout en causant. Il fait donc bien sec sur les boulevards, sur la place de la Concorde et la rue de Bourgogne. Tu n'es pas crottée? Dit Hortense en examinant les bottes vernies de son mari. Il avait plu, mais de la rue Vanneau à la rue Saint-Dominique, Venceslas n'avait pu souiller ses bottes.